Cette semaine, pour la chronique nutrition, on reçoit Stéphanie Ray et Kaitana du service du traiteur Le Gosier à Barrie. Cette semaine, on va parler de c'est quoi une alimentation saine. On se dit, moi je mange du céleri, une pomme à tous les jours, j'ai une bonne alimentation. Je pense pas que ce soit exactement ça. Pas vrai les filles? Pas exactement, non. Malgré que c'est une bonne première étape, mais... Mais pour commencer, une alimentation saine, selon vous, c'est quoi? Pour moi, c'est sur le guide alimentaire du Canada. Donc, ça suit ça comme prendre comme 6 portions de légumes, 2 portions de produits laitiers, 2 portions de produits viande ou substituts comme ça. C'est vraiment de bien intégrer tous les groupes alimentaires de façon raisonnable. Ouais. Puis. Pour moi, c'est plus comme un 80-20. So, comme 80% du temps, tu manges des aliments sains, comme ton céleri, ton pomme, tout ça. Puis le reste, le 20%, tu peux manger n'importe quoi. Ça, c'est peu. Comme ton Wendy's, ton McDo ou quelque chose comme ça. Fait qu'en ayant le 20% qui est un peu moins santé, ça permet quand même d'être réaliste. Tu sais, on a toutes des fêtes à aller, des petits cupcakes à manger puis des choses comme ça, mais ça n'empêche pas que 80% du temps, si on a une bonne alimentation saine et puis qu'on n'utilise pas trop de produits transformés à ce moment-là, nous, c'est ce qu'on considère qui va être là, soutenable puis qui va être intéressant. Parce que j'avais entendu parler de ça environ 10 à 20% pour l'entraînement, entre autres, parce qu'on le sait qu'à un moment donné, si on mange seulement sainement, puis des fois, on pourrait se prendre une petite barre de chocolat, un chip, mais si on met trop d'emphase sur la saine alimentation, un jour, on va retomber dedans, puis on va mettre beaucoup plus d'emphase là-dessus. On va manger plus que seulement le 20%, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Faut se contrôler un peu. Tout le temps, petit peu par petit peu, sans tomber excessivement. Exactement. Oui. Je pense que s'il y a une bonne balance, ça va être sain parce que oui, l'alimentation est bonne, mais c'est sain aussi parce que tu n'as pas besoin d'y penser. C'est pas comme, ah oh, là, je suis sur une diète. Ou non, non, tu manges bien 80% du temps, puis le 20%, comme Kate a dit, tu vas aller au Wendy's ou tu veux manger un chip, ben go for it. T'sais, ça ne changera rien à ce moment-là. Ah, moi, j'ai une petite confession là, à tous les vendredis. Je peux pas me passer de manger mon gros Big Mac au McDo. Ça, c'est oui. Comme mon petit ben, rituel à toutes les semaines. Pour le vendredi, c'est bon, ça? Alors, comme ça, je le sais. Et tout le restant de la semaine, eh bien, j'essaie de bien manger, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Mais en parlant du guide alimentaire canadien, est-ce que ça se peut qu'il y a quelques années, on l'ait modifié un petit peu? Oui, ils n'ont pas annoncé des changements. En attendant jusqu'à ce moment, mais... Oui, ils travaillent là-dessus. Là, ça devrait pas être très long, je pense, mais rien de majeur, je pense. Oui, je pense qu'il y a comme un petit changement à l'un côté à l'autre, mais ça vient. Ça s'en vient. On le réécrira pas au grand complet, là. Non, je pense que c'est juste l'équilibration des portions qui va être un peu différente, rajouter plus de légumes, je pense, puis réduire les produits céréaliers, si je me trompe pas. Mais je suis pas certaine. Ils l'ont pas annoncé officiellement qu'est-ce que ça allait être. Pour nous aider à garder une alimentation saine, est-ce que c'est bien dans ce temps-là là, pour une famille de se faire un programme? À tous les jours, qu'est-ce qu'on mange détaillé pour pas déroger de ça et aller se manger des beignes ou des chips ou des barres de chocolat quand on n'aurait pas dû? Ben, moi, je pense que de faire de la planif, c'est bon pour une famille parce que ça évite deux choses. Ça évite le stress de savoir qu'est-ce qu'on fait pour souper. Puis aussi, quand t'arrives à 5 heures, t'as eu ta journée dans le corps, les enfants ont faim, c'est pas le temps de commencer à penser à ce qu'on veut faire pour souper. Fait qu'en ayant un plan d'un peu de qu'est-ce qu'on fait pour le souper, qu'est-ce qu'on fait pour les lunchs, qu'est-ce qu'on fait pour le dîner, ça nous sauve de l'argent, ça nous offre une meilleure préparation, puis ça nous permet automatiquement de manger plus sainement parce qu'on l'a planifié. Quand c'est à la dernière minute, c'est bien plus de chances qu'on va aller manger une pizza ou qu'on va arrêter de chercher du poulet frit ou quelque chose de rapide là, à l'épicerie à cuire. Puis, je pense que c'est aussi ce qu'on dit quand on parle de nourriture saine, c'est que oui, c'est pas de manger au resto, mais c'est aussi quand tu es à l'épicerie de faire des bons choix, lire les aliments, les ingrédients, si c'est des choses qui sont déjà préparées, parce que habituellement, les aliments préparés contiennent beaucoup plus de sucre et de sel. Et puis, on essaie d'éviter le poulet pané, les petites choses comme en boîte congelée. T'sais, il peut y avoir des bons produits congelés, mais c'est de faire la balance, là, de puis bien lire les étiquettes. Moi, je regarde surtout les étiquettes comme les yogourts, parce qu'ils contiennent du sucre de certaines marques plus que d'autres. On sait que oui, c'est bon pour la santé, mais quand dans une portion, tu as environ 14 grammes de sucre et une autre marque, tu as 3 grammes, il y en a un qui est meilleur que l'autre aussi. Il faut regarder les étiquettes, savoir ce qu'on mange aussi. Oui. Puis moi, ce qui me fâche le plus, c'est que les yogourts pour enfants, c'est toujours ceux qui ont le plus de sucre. Puis tu sais, ils sont cute avec un petit mignon dessus ou un petit mini-mars. Puis là, c'est ceux-là que les enfants veulent. Mais honnêtement, moi, chez nous, ça passe pas là parce que c'est toujours ceux-là qui sont bourrés de sucre. Nous, ce qu'on fait pour éviter ça, c'est que j'achète du yogourt nature, soit le grec ou 0%, peu importe. Et puis, je rajoute moi-même un peu de sirop d'érable ou du miel, puis des petits fruits ou juste un peu de vanille, de l'essence de vanille. Comme ça, je fais mon propre yogourt vanille, puis je peux contrôler le niveau de sucre aussi. Si on revient un petit peu à l'AGA de ce vendredi, vous avez fait de la nourriture pour les membres qui étaient là. Parlez-nous un peu de ce qu'il y avait sur la table, parce que c'était vraiment excellent. Parfait, oui, bien, on était bien contents d'être les traiteurs de l'AGA de l'atelier en fin de semaine. Ça nous a permis de connecter avec les gens de la communauté, puis de rencontrer des parents, des jeunes qu'on nourrit en garderie et tout. Alors, c'était super le fun. Ce qu'on avait sur le buffet, alors, on avait des crudités, l'humus, tzatziki et des petites brochettes de poulet. Il y avait une frittata qu'on a faite aussi. Un fruchata. Et puis des petites boules d'énergie pour le dessert. Faut dire que moi, je savais pas trop c'était quoi ces petites boules-là. Je pensais que c'était un petit dessert ordinaire. Alors, je m'en ai pris une dizaine. Puis, il aurait peut-être pas fallu parce qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Et je crois que si jamais les bars auraient pu être ouverts jusqu'à 10h le matin, j'aurais dansé, sauté partout. Disons que vendredi, j'étais un petit peu fatigué de ma semaine et après en avoir mangé 10, j'avais de l'énergie à revendre. Ouais. Quand on fait ces petites boules d'énergie-là chez nous à la maison, c'est vraiment comme une petite boule remplace comme une barre granola. Alors, c'est des petites boules d'énergie. On va vous mettre la recette sur le site, mais c'est... En gros, c'est de l'avoine, ça peut être du beurre d'arachide ou du beurre, comme du wow butter pour les écoles. Un peu de miel, canneberge. Des pépites de chocolat. Moi, je pense que c'est tout. Oui. Mais c'est pas super compliqué. Tu mélanges tout ce froid, mais ça fait en sorte que, tu sais, c'est quand même... C'est un peu sucré, mais tu fais des petites boules là, dans la paume de ta main. Alors, une boule, comme je te dis, c'est l'équivalent d'une barre normale. Donc, c'est pour ça que c'est très concentré, mais ça fait la job. Moi, je pense que j'ai mangé l'équivalent de 2 balles de baseball. Alors, oui. À déconseiller, par contre, à petite dose, c'est génial. Oui. Et bien, ça, tu peux remplacer les pépites de chocolat ou des canneberges séchées avec des noix pour la maison ou des pépites comme des tonsos, des carobes ou tout ça. Il faut dire que pour les enfants à l'école, ça doit être un bon dessert aussi pour l'après-midi. Ça leur donne de l'énergie si jamais là, ils en ont perdu durant l'avant-midi. Oui, exact. Puis en plus, moi, je les fais faire par mes enfants. Je leur mets tous les ingrédients dans un bol, puis ils se font bien du fun avec ça, faire les petites boules, puis faire la préparation le dimanche. Et puis ensuite, on les portionne dans leur lunch. Puis comme je te dis, une boule par jour, c'est bien en masse. Stéphanie Ray, Kate Anna du service de traiteur Le Gosier, je vous remercie. On a aussi la recette de frittata et les boules d'énergie qu'on va mettre sur la page Facebook pour les auditeurs. Allez essayer ça, c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. Merci, salut. Bye. Bye.